façon. Toutes ces choses grasses et suspectes, bien avant l'ère de la diète, ça se passait il y a des lunes. Les gens travaillaient pour des brunes, plusieurs jeunes mouraient, mais ceux qui restaient sortaient, buvaient, mangeaient, couraient, bougeaient, souriaient, marchaient, criaient, se parlaient, se baignaient. Ça se passait il y a des lunes.